gris sur la planète, entre conflits et ouragans, de tsunamis en tremblement, où tant de vie d'un coup s'arrête. Le temps est gris sur la planète, l'enfant sourit à l'objectif, le ventre vide, le corps chétif, ce tout petit relève la tête. Le temps est gris, mais si on savait mieux s'aimer, ça tiendrait chaud à nos cœurs échoués. Sur la planète, des incendies dans nos quartiers, on perd la vie au cran d'arrêt, si t'es petit, ben, on te raquette. Le temps est gris sur la planète, les pluies acides et les fumées, les énergies pleines de dangers pour des profits, même si tout pète. Si on savait mieux s'aimer, ça tiendrait chaud à nos cœurs échoués. Le temps est gris sur ma planète, et dans ma vie tu n'es plus là. Je suis parti bien malgré moi, tout est fini. Le temps s'arrête. Le temps est gris sur la planète, on est petit et quand bien même, on se détruit même quand on s'aime, on peut aussi rêver de fête. Rêver de fête. Le temps est gris, mais si on savait que s'aimer, ça tiendrait chaud à nos cœurs échoués. Le temps est gris, mais je sais déjà mieux t'aimer pour tenir chaud à ton cœur échoué.